Sinistros et moi étions, encore une fois, en plein cœur d'une expérimentation des plus démentielles. La régénération de deux cobayes simultanément. L'orage grondait violemment et les éclairs d'une grande puissance électrique étaient à leur paroxysme. Sinistros était posté près des commandes et attendait mon signal pour actionner le tout. Une éclair hallucinante frappa le paratonnerre et je lui criai « Puant gobelin, actionne la commande du générateur maintenant !» Au même moment, tout s'éteignit et l'expérience qui aurait pu être ma consécration de savant fou tomba tristement à l'eau. C'est seulement quelques minutes plus tard, en demandant à ce guignol sans guignolant, qu'est-ce qui s'était passé, que j'ai appris que Sinistros avait compris ceci. Frictionne Roland, qui est dans le congélateur maintenant. Qui c'est cette Roland? Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant sourdingue, surtout lorsque je lui demanderai de vous examiner le radius. Qu'est-ce qu'il comprendra? Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are undead incorporated, 'cause Pendragon said so. Go!

un moment d'attention, s'il vous plaît, tout le monde. Ben, on a juste une petite nouvelle à vous annoncer. Stéphane pis moi, on va se marier. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi 28 octobre, venez voir les Oranges et les Rouges s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 22 octobre de l'an de disgrâce 2013. Je suis le Dr. Payne Pendragon et the only one, le puant, c'est Sylvie Strauss. Bonsoir. T'as un peu, j'ajuste mon monocle, là. N'ajustez pas votre appareil. Non, ajustez-le pas. Ça changera rien, vous ne nous verrez pas plus. C'est cela. Comment vas-tu? Mais c'est pas pire. Ouais. OK. Pas plus que ça? Non. Pas moins? Ben, non, c'est pas mal égal. OK. Pas mal flatliner, le sinistre aussi. C'est très chargé ce soir encore. Oui, comme d'habitude. Oui, et je pense que ça l'est plus encore parce que je regarde ma programmation. Je peux pas voir la tienne pour des raisons obscures. Ah oui, très, très obscures. On a beaucoup de stock. Oh oui, on a beaucoup. Vous venez d'entendre avant cette pause publicitaire en ouverture d'émission, comme premier bloc de mon choix, les formations suivantes, un bloc consacré aux voix aiguës. Aux voix aiguës. Voix aiguës, voilà. Puisque nous avions à l'instant King Diamond, c'est assez aigu. Oui? Non? Ben bien sûr. Bon, OK. La pièce Meet Me at Midnight, qu'on retrouve sur l'album de Graveyard, paru en 1996 sur Massacre Records. Juste auparavant, nous avions un grand classique, soit celui de Judas Priest, Victim of Changes, version live sur l'album Unleashed in the East, qui est paru en 79, c'était sous l'étiquette Columbia. Et nous avons ouvert avec, Iron Maiden, un choix du docteur. T'es-tu malade? Ça m'arrive à l'occasion. Même les médecins peuvent être malades. Hein? Mais non, en fait, j'avoue que la pièce Reincarnation of Benjamin Brigg, qui est tirée de la bonne A Matter of Life and Death, qui est parue en 2006, c'est une des pièces que j'aime beaucoup. C'est une très bonne pièce que j'apprécie d'Iron Maiden. Et ce même, c'est avec Bruce Dickinson. C'était sous l'étiquette EMI. Ce soir, Sinistros nous propose, dans quelques instants, la présentation d'un très bon nouvel album d'une formation qui existe depuis bien longtemps. Depuis belle lurette, comme on pourrait dire. Je connais ni belle ni lurette. OK. OK. Donc, on va dire que ça existe depuis l'autre fois. Depuis, ouais, de la semaine dernière. Oui, c'est ça. Depuis l'autre tantôt. Oui. Bon. Moi, j'aurai un bloc qui sera axé plus sur le dark metal, dans le genre de, tu sais, veux dire... Hein? Genre style, là. Comme? Still loving you. Non, c'est pas du Scorpion. Et j'aurai un bloc poche. Ah, comme d'habitude. Effectivement, il faut que je sois fidèle à moi-même. Hein? Oui. J'aurai, chronique cinéma, oui, chronique musique aussi. Mais sans plus tarder, je vais te céder... je céderai rien. Donc, finalement, je vais juste te laisser parler. OK, laisse-moi parler. Ben, moi, j'aurai un bloc, quant à moi, plus old school de la belle époque des années 80. Mm-hmm. Et j'aurai un bloc plus hard rock heavy metal. Donc, ça pourrait être très intéressant. Mais tout d'abord, oui, tout d'abord, laissez-moi vous présenter une nouveauté d'un groupe qui n'est plus à présenter. Absolument pas. Metal Church. Eh oui, effectivement. Eh bien, Metal Church, qui, après avoir annoncé la séparation il y a à peu près 2-3 ans, ben, récidive en 2013 avec un nouvel album. Et ma foi, je suis tombé en bas de ma chaise. Moi aussi. Faut dire, il faut spécifier que dans Metal Church, maintenant, il n'y aurait juste que Kurt Vanderhoof, qui est le plus ancien de la formation, là, si on veut. Là. Oui, c'est ça. Le reste, c'est du nouveau personnel, c'est depuis ça. Soit avant la séparation ou maintenant. Ben, le chanteur actuel, il est là depuis un bon bout. Oui, oui, mais c'est, on s'entend que c'est Vanderhoof qui est là, la racine la plus, ouais, ouais, la plus éloignée de la formation originale. Mais c'est un très bon album de heavy speed metal. Ah, absolument. C'est merveilleux. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les vieux bands en 2013? On dirait qu'ils sont tous donnés le mot, ils sont tous téléphonés. Bon, là, on va leur montrer à ces jeunes-là qu'on est encore capable de faire de la musique. Pis que... Ben oui. Probablement, ils sont peut-être même dit plus que ça, Sinistro. Ils sont peut-être dit, ils ont besoin de nous autres. La scène musicale a besoin de nous autres. Je pense que oui. Puis je crois que c'est... Ils se sont tous dit que la scène métal est présentement en danger, puis qu'il faut aller la sauver en super-héros. Oui, probablement. Puis ils ont réussi. C'est super metal church, ouais, ouais. Avec des super pouvoirs métalliques. Mais bref, c'est vrai que c'est une bonne chose que ces vieilles formations-là décident et tendent à revenir ou à... En fait, à continuer à sortir du matériel. Et souvent, je pense que cette année, les groupes qui sont... Sont le sub le plus marqué, c'est tous les vieux bands. Oui, pratiquement, effectivement. Si on pense à Voivod, qui font un très beau retour avec un excellent album. T'as Satan, t'as Death Angel, t'as Hell qui s'en vient, possiblement. T'as Hell qui s'en vient. Écoute, j'ai adoré le dernier album de Grim Reaper. Grim Reaper. Tu sais, c'est tout des vieux pionniers qui reviennent avec des choses de qualité, puis qui font, selon moi, là, jusqu'à un certain niveau, qui font passer les nouveautés plus extrêmes comme en second rôle. Oui, ben c'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu nous proposes au niveau de cet album? Les quatre premières pièces de l'album, soit Bulletproof, Dead City, Generation Nothing et Noises in the Wall, genre de titre qu'on pourrait apprécier ici même à Réanimation. Avec l'Halloween qui s'en vient, c'est encore plus cool. Oui, fait que, hey, d'ailleurs, en passant, la semaine prochaine, nous faisons un spécial Halloween. Ce qu'on n'a pas pu faire depuis bien des années parce que ça concordait pas. Ben, c'est ça. Là, on va être en pleine dedans. Tout à fait. Metal Church. Allons-y. Generation Nothing. Excellent. Go.

Ready! C'est fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, cifou.ca. Ce vendredi 25 octobre, 19h, au Colisée de Trois-Rivières. Assistez au match de hockey opposant les Patriotes de l'UQTR aux GGs d'Ottawa. Adultes, 8$, étudiants, 3$. Le hockey des Patriotes, une tradition d'excellence. Check ça, Mathieu. On a reçu ça par courriel. Bigger, harder, enlarge your ass, mec. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ça? Ben, il y a juste une façon de le savoir. Clique dessus. Aïe, aïe, on a fait pousser notre émission. C'est fou vous offre maintenant 3 pouces, 3 heures d'assemblage requis chaque matin. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. On dirait que t'es parti de 7h30. Hey Mathieu, finalement, c'était vraiment poche comme concept de pub. Ouais! Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. h 56, et vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, ici même à Trois-Rivières, en compagnie de ce pestilentiel gobelin, Sinistro, c'est de moi-même, le cher et charmant docteur Pendragon. Ah oui. Et sur ce, à la semaine prochaine. À la semaine, c'est ça. Metal Church avec l'album tout récent qui sortait ce matin même. Oui. Generation Nothing. Avec 4 pièces tirées de cet album qui est paru sur Rat Pack Records, que je ne connais pas pantoute. J'ai fait mes recherches, puis Rat Pack Records, ben, des seuls albums qu'ils ont là-dessus, ben, c'est juste des membres de Metal Church. C'est leur label. C'est, d'après moi, c'est le label. C'est leur label, oui. Ah, c'est ça. Oui. Il a été aussi distribué par Stemhammer. D'accord. Ça existe encore, Stemhammer? Oui. Ah, c'est bien. Noises in the Wall, c'était précédé de Generation Nothing, Dead City et Bulletproof. Et c'est maintenant disponible. C'est un album auquel j'ai donné un 8 sur 10. Oui, 8.5, c'est très bon. Oui, j'ai été bien heureux d'entendre ce 10e album studio de cette formation. Mais oui. Ouais, formation qui existe quand même, doit-on le dire, depuis au moins 1958. 57, je pense. C'est vrai, on va vérifier. Ah non, c'est 1980. Ben, on était proche. Ben, à 27 ans proche. Ben, ouais, on n'est pas allé des poussières. Effectivement, bon, j'ai donné 8 sur 10 à Metal Church. Il y a d'autres albums aussi que je me suis permis d'écouter. Tu fais ça, toi? J'ai pas le choix, là. C'est pas que ça me tente, remarque, là. Non. J'ai dit que ça soit fait, ça. J'écoutais un segment de rock classique vendredi dernier et j'entendais le Rockmaster nous proposer des nouvelles pièces du dernier album de Skeleton Witch, cette formation thrash metal made in USA, qui sortait leur ben en fait c'est un advance évidemment parce qu'il sort un peu plus à la fin du mois. Le quatrième album. C'est ça, quatrième album qui porte le titre de Serpent Unleashed. Et j'écoutais sa chronique qui disait que selon lui c'était le meilleur album qu'ils avaient sorti jusqu'à présent. C'est très bon parce que Beyond the Permafrost c'était un excellent album. Ils se sont perdus avec l'avant-dernier album qui était pas terrible en studio. Il y a peut-être bien du monde qui l'ont aimé, mais il me semble que ça sonnait flap, ça levait pas. Live, c'est autre chose. C'est ben vraiment écoute, cool, live. Moi, là, je vous dis, je vais vous lire ce que j'ai marqué comme chronique sur le site de réanimation. Faut avouer ceci, Skeleton Witch sont très bons live, mais passablement plus faibles en studio. Moi, je connais seulement deux albums précédents à ça. Les seuls albums que je connais de cette formation, du précédent, ne lève pas. Il ne se passe pas grand-chose, pas de moment fort. Et c'est effectivement ce que je pense encore aujourd'hui. Je pense que les albums précédents que je connais de Skeleton Witch, c'est un peu plate à écouter. Live, ils sont excellents. Ben, une pièce, deux pièces, c'est correct. Ouais, un album au complet, ça vient que bon, OK, génial. C'est effectivement. Par contre, Serpent Unleashed, j'ai trouvé effectivement, en écoutant Rockmaster, je me suis dit, ben, ça vaudrait peut-être la peine que je découvre. Et je l'ai fait, puis je suis d'accord, c'est le meilleur qu'ils ont fait. OK. Selon moi, c'est pas un album extraordinaire, c'est pas un album qui va avoir, exemple, l'impact de, mettons juste Metal Church, si on veut, là. Mais c'est, selon moi, ce qu'ils ont fait de mieux parce qu'ils ont trouvé une formule qui est un petit peu plus, pleine. C'est ce que je trouvais que ça sonnait vide. Oui, c'est ça, vide, oui. Là, c'est un peu plus plein, c'est un petit peu plus original. Moi, j'ai donné quand même un 7 sur 10 à Skeleton Witch. Je pense qu'elle le mérite amplement. J'ai aussi eu le loisir d'écouter le prochain Cataclysm, Waiting for the Hand to Come, sur l'étiquette Nuclear Blast. Moi, j'aime bien l'information Cataclysm en général, mais je le dis que c'est un peu comme écouter du AC/DC, ça change pas jamais vraiment. Là, d'accord. T'sais. Celui-là ici, je lui donne un 7 sur 10, mais honnêtement, c'est pas un album qui m'a énormément emballé parce que il y a des bandes qui peuvent se permettre, comme AC/DC, de faire autant de la même chose, puis à un moment donné, tu y retrouves quand même ton compte parce que c'est entraînant, puis bon, tu sais, c'est quand même, je dirais, une forme de rock and roll, de hard rock, si on veut, qui a établi sa condition. Un band death metal comme Cataclysm, c'est pareil d'album en album. À un moment donné, c'est correct, là, tu sais, mais il n'y a plus, on dirait, plus de fraîcheur là-dedans. OK. J'ai donné un 7 sur 10, comme je disais, mais je pourrais pas aller plus haut que ça. Le nouveau Motorhead. Ben, moi, je partageais entre moitié et moitié. Les pièces qui décapent et qui sonnent vraiment Motorhead sont très, très bonnes. Mais on dirait que là, il a rentré comme. On dirait que c'est quasiment comme le chant du cygne. Il est tombé dans des tunes un peu plus bluesy. Moi, j'ai un peu plus de misère avec ça. Okay. Moi, je suis pas un amateur de blues en partant. Là. T'aimes plus les chemises, toi? Oui, c'est ça. OK. Je te comprends. Non. Honnêtement, moi, Motorhead, l'album Aftershock, je lui donne un 8 sur 10 parce que Motorhead, pour moi, ça sonne Motorhead. Je suis un fan inconditionnel de la formation. Moi, ce que tu dis comme étant l'aspect un peu plus blues me dérange pas. J'aime okay. bien ça. Donc, mais encore là, ici, c'est le principe de dire... Ben, ça sonne Motorhead. C'est Motorhead. Ben, j'ai préféré The World Is Yours. Qui était un bon album. Ouais, c'est un très bon album, effectivement. Mais Aftershock, je considère que c'est un bon album. J'ai pas prévu de présenter de pièces ce soir, ni d'un ni de l'autre des albums que je viens de commenter, ou en fait d'en faire une micro-chronique. Je vais reprendre ça plutôt... Je dirais pas vraiment la semaine prochaine parce qu'on a notre spécial Halloween, mais plus l'émission qui suivra la semaine prochaine, qui est le 29, si je ne m'abuse. C'est ça? Faudrait que je vérifie, je vais dire ça à l'instant. Ouais, c'est le 29, l'émission la semaine prochaine, spécial. Mais non, ça se peut-tu, ça? Oui, spécial Halloween, c'est le 29, donc ça ira le 5. 5 novembre, on fera plus d'exploration un peu sur ces nouveaux albums-là qui, soit dit en passant, c'est pas grave si on les voit plus tard. Là, non, non, mais c'est, ben c'est vrai. Oh, ouais, c'est regarde, on peut pas tout condenser dans la même émission. Là. J'aurai la chronique cinéma un peu plus tard, quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Mais là, tout de suite, on va aller sur un bloc quand même assez long qui dure 25 minutes 10 ou 10 minutes 25. Je sais plus trop dans quelle heure je l'ai écrit, là. Ça fait un peu Daniel Lemire, hein? Avec une portion un peu plus, je dirais, dark metal, à la rigueur, quasiment doom par moment. Par moment, j'ai bien dit. On va débuter le tout, tout de suite avec une longue pièce de Shape of Despair qui a déjà bien longtemps que je n'ai pas passé à réanimation, qui est une excellente pièce de cette formation. La pièce Sleeping Murder qu'on retrouve sur l'album Shape of Despair qui s'est vu une forme de compilation. Dernière apparition derrière cette formation en 2005. Ça fait déjà quand même un bon petit bout de temps. Est-ce qu'elle existe toujours? Oui, ça existe toujours. Mais je pense encore le principe de d'autres bandes qui se consacrent uniquement à faire des spectacles. Mm. Le studio pour eux autres devient très secondaire parce que c'est pas très payant. Là. Fait que Shape of Despair, Sleeping Murder. sont de retour avec une équipe beaucoup plus sauvage et combien plus séduisante. Jeudi matin, dès 10h. Séduisante, ça paraît qu'on les voit pas. C'est la magie de la radio. Ouais, mais là, il reste encore 10 secondes à la pub. Ça me laisse le temps en masse de laisser mon numéro aux belles auditrices. Et que t'es prête. Oh! Tu écoutes C'est fou, tu lis le Zone Campus, tu désires t'impliquer dans ta communauté. Le GME est à la recherche d'administrateurs étudiants et non étudiants pour siéger sur son conseil d'administration. Envoyez votre CV à ca@gmeuqtr.ca. Date limite, 11 octobre. Vous aimez ce que vous entendez? Écoutez les Palmarès C'est fou les jeudis de 15h à 18h, on rappelle les dimanches à midi et du lundi au mercredi à 17h. La radio, autrement, 89.1. C'est fou. Comment? Vous êtes à réanimation des Haunted Incorporated Show, et ce jusqu'à 22h, en compagnie de ce charmant personnage ici à ma gauche, dont j'oublie le nom, et de moi-même. Dont j'oublie le nom. Aussi. Vous voulez l'entendre avant cette pause publicitaire, les formations suivantes de Project 8. 1999. Voilà. Une pièce tirée du dernier album de Cadaverous, Retaliation Agenda, soit The Great Retaliation Is Upon Us, qui est tirée d'un album qui a une étiquette qui s'appelle Self-Release. Self-Release? Oui, je le connais pas. Il y a beaucoup de groupes là-dessus. Oui, ça doit être. Indépendant aussi, c'est une autre grosse étiquette. Oui, ça doit être des étiquettes très importantes, on les voit souvent. Moi, c'est un album que j'aime bien, honnêtement. Je sais que toi, tu as un peu plus de misère avec la voix féminine de cette formation. Ben, surtout cette chanteuse-là, parce qu'on dirait que. Ouais. On sait pas trop ce que ça envoie des fois, mais c'est. Ben, c'est peut-être pas non plus. Elle va peut-être faire l'épicerie, on sait pas. Là. Peut-être. On veut pas la suivre, là. Non. Mais, moi, musicalement, j'aime bien le. Oui, ils ont des bons riffs, C'est souvent des pièces qui sont longues. Écoutez, c'était 12 minutes, celle-là, là, quand même, là. Nous avions Septic Flesh auparavant et la pièce Mechanical Babylon, qu'elle retrouve sur l'album Sumerian Demons, qui est paru en 2003 sur Hammer Heart. Et il serait supposément, sous peu, ce n'est pas fait d'être en studio, c'est cette petite flèche. Oui, pour un nouvel album. La barre est haute. Ah, ouais. Mais quand même, dans ce genre-là, je pense que c'est réalisable de faire un album d'aussi bonne qualité. Aussi bon. Oui, effectivement. Et on a ouvert avec Shape of Despair, la pièce Sleeping Murder. C'est une excellente pièce, c'est très dark. Pièce d'ouverture de l'album Shape of Despair, qui se veut une compilation de leur plus grand moment du sport. Hey, Seigneur, oui. Pelé, le conquérant. Évidemment, ce n'est pas le cas. C'est paru en 2005 sur Spike Farm. Côté cinéma. Écoute, la semaine dernière, je ne pouvais pas faire la chronique comme je le voulais parce que je n'avais pas pu mettre à jour mon site pour des causes de panne Internet. Ce qui est résolu depuis le temps. Mais je suis plus certain de ce que j'ai pu parler la semaine passée. OK, c'est bon. J'ai-tu parlé de Elysium? Non. Non? Ben, je vais en parler. T'étais supposé, puis... Merci, mémoire collective. Ben oui. Elysium, film de science-fiction, 2013, qui met en vedette Matt Damon et Joe D. Foster. Joe? On t'avait compris. Oui, c'est ça. c'est un film de Neil Blomkamp. C'est... Tu sais qu'il y a beaucoup de films présentement de science-fiction qui... sont pas chambres. Oui, il y en a plusieurs, effectivement. Mais qui traitent beaucoup le sujet principal. Est une Terre dévastée, c'est des colonies spatiales. On dirait que là, c'est la... C'est la mode. La grosse mode, là. Ben, ça devrait pas être une mode. Non, hein? Non, parce que Elysium... En fait, Matt Damon, c'est pas un nouveau venu comme acteur. C'est un bon acteur. Je lui reproche pas grand chose en tant que, au niveau de son rôle. Ce que je reproche, c'est le scénario qui est rien. qu'il se passe pas grand chose. Ces films-là, je trouve qu'ils sont tous vides. Ben, comme celui avec Tom Cruise, là, exact. Quelle excellente comparaison. C'est poche, là. Oui. C'est long. T'as l'impression que quand il va se passer quelque chose, enfin, il va se passer quelque chose. Ça tombe sur le flap. Ça tombe à l'eau. C'est moins pire que le film avec Tom Cruise, par contre. Ça vaut pas plus qu'un 6.5 sur 10. Ce qui est pas énorme, hein. On s'entend, là. Mais bon. Moi, j'ai pas de détour à faire pour l'écouter, là. À moins que vous soyez un maniaque invétéré de science-fiction et de Matt Damon, là. Mais vous avez pas vraiment de... Il me semble que science-fiction et Matt Damon ne vont pas ensemble. Non. Mais, ben, effectivement, t'as raison. C'est plus un gars de drame et de film d'action, oui, généralement, là. Notre film qui est un film policier thriller qui s'appelle The Frozen Ground, qui encore là mettait des acteurs assez intéressants d'emblée, soit Nicolas Cage et John Cusack, qui raconte l'histoire. Nicolas Cage dans ça est un policier et qui enquête sur un tueur qui kidnappe des filles principalement là, pour les violer, les torturer et les mettre à mort. Et lui, il est convaincu qu'il y a des indices qui sont flagrants. Il doit se battre un petit peu contre, si tu veux, ses supérieurs au niveau de la police pour les convaincre que il doit continuer à enquêter. Mais avec deux grosses pointures comme ça, je me serais dit, ça va être pas pire. Là, dans ça lève pas. Ça lève pas beaucoup, non. Puis en fait, ce que j'ai trouvé un petit peu plate dans le film, c'est que avant même, ben, je dirais au premier quart du film, là, on sait qui est le meurtrier. Ah. Fait que dans le fond, le film se consacre à dire... À courir après, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça un peu ordinaire. Ça aussi, j'ai pas donné plus qu'un 6.5 sur 10. Frozen Ground, c'est de Scott Walker, c'est disponible en DVD Blu-ray présentement. Il y a des trucs, c'est des nouvelles, c'est pas vrai. C'est des séries télévisées qui sont maintenant disponibles en version francophone, mais qui ont l'air fort intéressantes, que je me propose de regarder au courant d'ici la fin de la semaine et peut-être la fin de semaine. La première s'appelle Ripper Street. C'est la saison 1, qui est parue en 2012. C'est original de la BBC. Généralement, ils ont des bonnes qualités de séries, la BBC. C'est une série de Richard Warlow. Ça se passe en 1889, 6 mois après la disparition de Jack l'Éventreur, dans le quartier Whitechapel. Et ce sont les policiers de Scotland Yard qui sont aux prises à essayer de la paix, tant à vouloir se réinstaurer, mais il y a encore d'autres crimes qui se produisent, puis ils sont pas certains d'à quoi ils doivent l'attribuer. C'est une série qui, moi, personnellement, risque de m'intéresser énormément, donc je saurai vous en parler plus longuement, incessamment. Autre film que j'ai vu, il s'appelle The Dinosaur Project, qui est un film d'aventure de science-fiction, qui met en vedette des gens que je ne connaissais pas. Richard. Capispier dinosaure, ouais, c'est ça. Richard Dillon, Peter Brook, Matt Cain, je les connaissais pas du tout. Il présente le film comme étant des véritables footage qui ont été pris comme de quoi que les dinosaures existent toujours dans une espèce de section de la Terre récluse. Et puis c'est c'est pas un zoologue, je sais plus exactement quel titre est là, mais qui décide de partir à une expédition pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est réellement. Et effectivement, il découvre que les dinosaures existent toujours. Et puis, tu sais, à la base, ce genre de film-là pourrait avoir un certain intérêt pour moi, mais c'est tourné un petit peu gauchement, un petit peu boboche. Fait que finalement, ça se tient pas beaucoup. Ça aussi, là, c'était un 6.5 sur 10. Là, c'était comme la cote de la semaine, on dirait. Ça était stické sur 6.5. Ouais, c'est ben, dans ce sens-là, 6.5 sur 10, parce que je veux pas dire que c'est vraiment mauvais, mais que c'est pas bon en même temps. Okay. Autre série que je vais considérer effectivement très, très, très rapidement s'appelle The Fades, qui est une autre série de la BBC. Qui est disponible depuis peu en DVD et Blu-ray, évidemment, qui est une série de Jack Torrance et qui raconte l'histoire d'un jeune qui est hanté par d'épouvantables cauchemars et de visions. Et aucun, il consulte un thérapeute, personne ne peut l'aider, il voit les morts évoluer. Ça va bien fitter avec ma première toune. Probablement. Et il se rend compte qu'il doit intervenir parce que ces morts-là, sous forme de revenants, ont des intentions malsaines envers les vivants. Donc, The Fade, ça risque d'être intéressant. Encore là, c'est BBC, donc ça risque d'être de qualité. Une autre série que je me propose, c'est Hannibal. Hannibal Lecter. Ben, je sais pas. Ça a l'air, c'est ordinaire comme série. Je sais pas. J'ai pas encore rien écouté de la saison 1. C'est vraiment les relations. Ça se passe avant, là, ce qu'on a pu voir. C'est lui étant psychologue, dans le fond. Psychiatre. Le psychiatre, excuse-moi. Effectivement. C'est ses relations entre lui, évidemment, Hannibal Lecter, et puis un jeune, il s'appelle Will Graham, qui est un jeune agent du FBI, qui, lui, le consulte en tant que psychiatre. Et de fil en aiguille, il y a une complicité qui s'établit, mais Hannibal Lecter, lui, s'en sert pour ses propres crimes, si on veut. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai aucune idée. C'est à vérifier. Ben, dans le fond, c'est comme si lui enquêtait sur ses propres crimes. Là. C'est comme... Non. Non. Non, bon. Il y a un film qui devrait être intéressant, qui est un film qui parle de super naturel. Here Comes the Devil, ça paraît le 13 décembre. C'est un film espagnol, collaboration italienne-française. C'est une famille en crise qui part se ressourcer en montagne très vite l'angoisse et la peur s'installe. Les deux enfants disparaissent soudainement avant de réapparaître le lendemain métamorphosés. Donc, j'ai vu les previews de ça, ça a l'air intéressant. Les films étrangers, des fois, faut se méfier un petit peu, mais bon, pas se méfier. C'est qu'ils mettent le paquet sur les previews, puis t'arrives dans le contenu, puis t'as vu l'essentiel du film sur le previews. Fait que, bon. J'ai écouté un film, enfin, j'ai réussi à l'écouter, qui s'appelle The Last Will and Testament of Rosalind Lang, qui est un film de série B. Est-ce que tu connais la revue Rue Morgue? Oui, ben ça me dit quelque chose. C'est une revue canadienne qui est éditée à Toronto, je ne m'abuse. C'était à Toronto. C'est une revue que j'achète régulièrement qui traite principalement du culte de l'horreur, du cinéma d'horreur et ainsi de suite. C'est une revue qui est très bien faite. Et je ne savais pas que Rue Morgue a aussi Rue Morgue Cinéma, qui font des productions de films, qui sont des séries B, mais si je me fie à ce que j'ai vu avec The Last Will and Testament of Rosalind Lang, c'est série B+. C'est vraiment bien fait. Et je suis très critique au niveau des films d'horreur parce que j'en écoute beaucoup, j'en ai écouté beaucoup, puis ça me prend beaucoup pour être capable d'être satisfait. Et celui-là, ben il apparaît qu'à l'occasion, un petit bijou en ressort. Puis celui-là, j'avais pas vraiment beaucoup d'attente parce que je me disais, ouais, ça fait un peu série B, peut-être C, mais c'est très bon et c'est interprété par un seul et unique acteur. L'histoire est que le personnage principal, parce que c'est d'ailleurs le seul, revient dans la maison de sa mère, qui est une espèce de grand manoir, qui est décédé, qui lui a légué. Et lui est en froid depuis bien des années. Il n'avait donné aucun contact à sa mère depuis ce temps-là. Il revient pour, en fait, valider là, qu'est-ce qu'il devra faire comme avec les biens qu'il a hérités, soit les vendre ou ainsi de suite, les liquider. Et il se rend compte de fil en aiguille, parce qu'il y a des événements qui se produisent, que probablement que sa mère vouait un culte à une espèce de, je dirais, secte hyper preacher, Jesus freak sur les bords, là, mais tu sais, très malsaine. Là. Et elle, d'ascension au niveau de cette secte-là, elle se rend compte que les choses sont peut-être dangereuses plus qu'elle le pense. Et elle laisse des indices qui sont à travers divers objets qui avait une certaine importance pour cet homme-là dans sa jeunesse, en lui disant, regarde, méfie-toi, cette maison-là est malsaine. C'est vraiment bon. C'est vraiment un excellent film avec une très mauvaise ambiance, comme on les veut dans le cinéma d'horreur. Et faut lever notre chapeau, parce que faire un film avec un seul et unique acteur, puis conserver le trailer, puis conserver l'intérêt, il faut le faire. Et ici, c'est très, très bien réussi. J'ai donné un 8.5 sur 10. C'est disponible en DVD Blu-ray. C'est The Last Will and Testament of Rosalind Lane. Et c'est Rue Morgue Cinéma qui produit le tout. Autre film à sortir le 25 décembre, Jack Ryan. C'est un film d'action dont le personnage est tiré des romans de Tom Clancy. Ça pourrait être intéressant. C'est avec Chris Pine. C'est pas mon meilleur. Kevin Costner, c'est pas mon meilleur. Mais bon, peut-être par curiosité. Et le film à revoir, découvrir dans cette fameuse section hebdomadaire, ben c'est le fameux chef-d'œuvre d'Hitchcock, Psycho. Oh. Ça, c'est un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre et probablement le sien. Est-ce que tu as vu le film avec Anthony Hopkins, Hitchcock? Ben, juste par bout, j'ai pas écouté au complet. Je te conseille fortement de l'écouter parce que c'est l'histoire quand il a réalisé Psycho. Et c'est vraiment excellent. Et ça l'a donné un film qui est vraiment, ma foi, révolutionnaire, qui aura choqué l'auditoire à l'époque pour diverses raisons de mœurs, mais aussi de violence. Et parce que c'était l'histoire d'un esprit tordu, ce qui était très mal vu à l'époque au niveau du puritanisme américain et du cinéma de contemporain, si on veut. Donc, je lui donne un 9.5 sur 10 aisément à Psycho. Ça met en vedette Anthony Perkins, qui est excellent dans le rôle de Norman Bates, et Janet Leigh, Vera Miles, qui sont vraiment, parce que ça aussi, c'est un film avec un nombre d'acteurs très restreint, et c'est vraiment très, très brillant comme film. Ceci étant dit, nous allons vers quoi? Spécial Speed Thrash Metal des années 80. Les racines du métal. Puis tantôt, tu parlais de vision de la mort et de tatati tatata avec un film. Avec la série de Fades. Oui, c'est en plein ça. Ben, ça va bien fitter parce qu'on va commencer avec Visions of Mortality. Où? De Celtic Frost. Ouh. Il a laissé dans l'idée du gobelin. Ça sera suivi de Razor, Slayer et Voivod. Allons-y tout de suite. Celtic Frost. Go!

suivez-nous sur notre page Facebook. Voici un footballeur durant le match du Super Bowl. 20! Ready! Hot! Hot! Voici un comédien de la Ligue d'improvisation mauricienne jouant un footballeur durant le match du Super Bowl. 20! Ready! Hot! Hot! Vous avez noté une différence? C'est parce qu'à la Ligue d'improvisation mauricienne, c'est plus vrai que vrai. Spectacle d'improvisation tous les mardis 20h à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Seulement 5$ pour étudiants. Retrouvez-nous sur Facebook pour l'horaire complet de nos matchs. À l'occasion de l'Halloween, profitez-en pour vous faire une bonne dégustation de bière de La Barrique entre amis. Lisez votre journal Zone Campus et écoutez la radio C'est fou pour connaître l'indice. Houblon. Et ainsi courir la chance de gagner un magnifique panier cadeau. Tirage le 31 octobre. La saison froide approche, réchauffez-vous. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Les coupons de participation sont disponibles dans votre journal Zone Campus et déposez-les à La Barrique dans la boîte prévue à cet effet. C'est fou. 89.1. h 06. Vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie de Sinistros et de moi-même, le Dr. Pain Pendragon. Et il nous reste encore 53 minutes pratiquement à cette édition en ce 22 octobre. Eh bien, on vient d'entendre Nuclear War de Voivod, paru sur l'album War and Pain de 1984. Seul et unique album sous l'étiquette Metal Blade, qui était paru sur Banzai ici au Canada. Mm-hmm. Slayer, Fight Till Death, tiré de Show No Mercy de 83, également sur Metal Blade, qui avait également paru sur Banzai au Canada. March of Death de Razor, qui est apparu sur l'album Executioner's Song, un des nombreux albums de 1985 de Razor. En fait, trois albums en 85. C'est assez. C'est ce qui les a tués. Ben, c'est ce qui les a tués, effectivement. Sur Attic Records, pardon, je cherchais mon fil de. Mon de fil de l'épée. Ton fil de presse. Oui, c'est ça, mon fil de pêche. Et Vision of Mortality de Celtic Frost qui est apparu sur Morbid Tales sous l'étiquette Noise et sur Banzai ici même au Canada. Et voilà, c'était un bon petit bloc avec de bons petits souvenirs. Bien sûr. Mais souvenirs, pas tant que ça, parce que c'est des trucs que j'écoute encore. Bon, de temps en temps, c'est très très bon. C'est même très excellent. Côté spectacle, BC High vous propose le samedi 16 novembre prochain au Métropolis des formations Sepultura, Cataclysm, Unhurt, Ancients et Dark Sermon. C'est à 18h30, c'est pour tous. Il en coûtera 26,09$ et 30 et 43 plus taxes pour y assister via Ticketmaster. Et le 30 novembre, toujours une présentation BC High au Club Soda. Dès 20h, un spectacle pour tous qui met en vedette Hailstorm, Trollfest et Gypsy Hawk. L'en coûtera $23 et $29, taxes incluses pour y assister. C'est disponible à la billetterie du Club Soda. C'est ça. C'est tout. Tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'émission, quand on parlait, Sinistros et moi, de formation qui existait depuis Belle Lurette, qui avait des... soit qui revenait ou qui les dernières parutions étaient intéressantes ou on trouvait des fois meilleures que certaines nouveautés. J'ai fait un lapsus, j'ai dit Grim Reaper, mais c'était Grave Digger. C'était Grave Digger que je voulais dire. Parlant de spectacle, faut pas que j'oublie. Je m'en allais, m'auto-oublier. T'étais tout s'auto-oublier, oui. Imagine-toi. 2 novembre, Rock Café Le Stage, il va y avoir un hommage à Motorhead avec Motorhead Ache. Il y aura exactement Fuck the Middle East avec nos amis de Godass, Bald et Doctorno. Ben oui. Il y aura les Satanic Glow Sniffers et moi-même dans la formation Hellborn pour un bon show old school. Ça va être très intéressant. C'est un samedi. Oui, c'est un samedi. Puis on fait notre lancement de CD. À cette date. D'accord, bon. Mais non, on n'en lancera pas dans la foule. Non? Non. Mais comment on va l'attraper de bord? Ben, c'est pas de vos affaires. Vous essayerez avec des filets à pêche. Autre petite annonce que je pourrais faire, c'est Onde Choc à partir de la semaine prochaine, vont diffuser les émissions de réanimation en différé directement sur leur site web. Alors, merci beaucoup à On Choc. Et merci, effectivement. C'est très apprécié. Excellent. Tout à fait. Eh bien, ben, tu vois, dans le milieu du métal, ce qui est bien, c'est que généralement, les gens s'entraident. Oui. Contrairement à bien d'autres milieux. Mais il y en a aussi qui n'ont pas compris ça dans le milieu du métal non plus. Ils voient ça comme une compétition. Oui, ben, c'est quoi? Les compétitions, écoute, c'est toujours relatif, hein, puis... Je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça parce que probablement que le but ultime de cette confrérie métal là, c'est de faire la diffusion de la musique que nous aimons ben, en commun. Ben c'est en plein t'sais. Ça. Ceci étant dit, il est maintenant 21h11 et puis j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à penser donc à la semaine prochaine. Ben, sur ce, allez-vous tous vous faire foutre. Au revoir. C'est une blague. La semaine prochaine, comme je vous le disais tout à l'heure, Sinistros et moi allons faire un spécial Halloween, puisque nous allons être à deux journées de l'Halloween. Ce serait mieux de le faire après l'Halloween. Hein? Ben, on fait bien un show après l'Halloween, nous autres, puis c'est un show d'Halloween. Vous faites un show d'Halloween? Ben, apparemment, c'est un show d'Halloween. Ben, tu vois, t'es même pas sûr toi-même. Là. Ben c'est, oui, mais... C'est moins grave, là. OK, c'est correct. Mais tu sais, faire un spécial d'Halloween, puis le faire comme... 4 jours après, 3 jours après l'Halloween. Ben, surtout 6 mois, c'est un gros pays. Oui, effectivement. J'irai pas jusque-là 6 mois, par contre. Donc, on a un spécial Halloween. Ce ne seront que des pièces qui vont traiter, en fait, de d'horreur, bien entendu. Et tant qu'à parler de spécial Halloween, ce vendredi, je serai à Rock Classic pour le traditionnel spécial d'Halloween auquel je participe depuis bon nombre d'années. D'ailleurs, notez que je suis une émission sur deux maintenant à Rock Classic, aux côtés d'Alain Lefebvre, le Rockmaster. Et ça me fait bien plaisir de... Ben, j'aime beaucoup le rock aussi. Hein. Ah. Fait que, bon... Donc, une fois dans la semaine, je fais du métal, et une fois ou deux semaines, ben, je diffuse du rock. Puis c'est le meilleur des mondes. Mais c'est bien, c'est correct. Ben oui, fait que ça sera spécial Halloween avec encore des pièces qui ne parleront que de choses malsaines, bien entendu. Ceci étant dit, allons-y avec, évidemment, jusqu'à présent, vous avez dû vous poser la question, mais comment se fait-il qu'on n'a pas entendu Death Metal? Ben oui, que se passe-t-il? On remédie à la situation immédiatement avec Morbid Angel. Oh yeah! Go! We'll be right back.

Ce vendredi 25 octobre, 19h, au Colisée de Trois-Rivières. Assistez au match de hockey opposant les Patriotes de l'UQTR aux GGs d'Ottawa. Adultes 8$, étudiants 3$. Le hockey des Patriotes, une tradition d'excellence. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Salut, c'est Fred, ton animateur de karaoké le monde soir à Chasse Galerie. Le lundi 28 octobre, moi et mes chums musiciens, on fait un choix saveur chansonnière après l'impro à la Chasse Galerie. Viens nous voir, tu ne seras pas déçu, oh que non! Tu aimes le québécois, l'anglo, le pop, rock, punk, métal et la bonne bière pas chère. Tu seras encore moins déçu. Notre nom de groupe, Les Prophètes. Pourquoi Les Prophètes? Viens nous voir pour le savoir. Et tu sais quoi? C'est bientôt l'Halloween quand on va être là. Alors déguise-toi ton band préféré et on va donner un pichet de bière à la personne qui sera le plus donné lors de cette soirée. Allez, on t'attend à la Chasse Galerie le 28 octobre prochain à 22h. Yeah! C'est fou. 89-1-1. h 37, l'émission tire tranquillement à sa conclusion. Avant cette pause publicitaire, nous avons eu les formations suivantes qui donnaient des pièces, qui donnaient dans le style de pièces conceptuelles au niveau du death metal. Decapitated et la pièce Carnivals Forever. Longue pièce de 8 minutes 51 qui est la pièce titre du même album, dernière parution de cette formation polonaise. 2011, sur l'étiquette Nuclear Blast, c'est un des très bons albums qu'ils ont sorti, Decapitated. Gojira et la pièce Flying Whales, qu'on retrouve sur l'album From Mars to Sirius, qui est paru en 2005 sur Metal Blade. Et la pièce inquiétante de Morbid Angel, Caesar's Palace, que l'on retrouve sur Domination, paru en 95 sur Erake. Ceci étant dit, mon cher Sinistros nous amène vers une tangente musicale. Tout en douceur. Mais oui. On va terminer avec un bloc un peu plus hard rock, heavy metal. Hard rock, heavy metal. Plus hard rock, heavy metal, dans le fond. Ce ne sera pas de la grosse défonce. Mais ça a sa place. Oui, ça a très, très sa place. On va y aller avec du Ghost. Oui. On va avoir Blood Ceremony, Opeth. Oui. Mais pas l'Opeth qui fait du... Non, l'album Heritage. Oui, effectivement. Et si on a le temps, ben on ira vraiment dans le pur heavy metal avec Satan, si on a du temps, parce qu'on a des pièces assez longues. Ghost, j'ai choisi une de mes pièces préférées sur l'album Infestis Humam, soit Goulet, Zombie Queen, que j'adore. Très on dit tout de suite, ça sera suivi par Blood Ceremony. C'est parti, go! Suck you both. Wow. Ooh. Hoppet avec The Devil's Orchard, qui est paru en 2011, si je ne m'abuse. N'abuse pas trop fort, là. Sur l'album Héritage. Le dernier album de cette formation est paru sur Roadrunner Records. D'ailleurs, nous avions eu le plaisir de voir le spectacle de l'album en entier. C'était vraiment excellent. C'était hypnotisant, même. Oui. Et Goodbye Gemini de Blood Ceremony, qui est paru en 2013 sur l'excellent The Eldritch Dark, paru sur Metal Blade Records. Et on a commencé avec Goulet, Zombie Queen de Ghost, sur le non moins excellent Infestissumum. Effectivement. Qui est paru sur Loma Vista Recordings. Curieusement, il y a juste Ghost label, là. Ah ben, coudonc, c'est un addon, hein? N'oubliez pas un spécial d'Halloween mardi prochain. Et n'oubliez pas que je serai aussi du spécial d'Halloween de Rock Classic ce vendredi. Et j'y serai à côté de 12h30 ou environ, quelque chose comme ça. Nous allons vous quitter maintenant sur une dernière pièce qui sera... Ben, profitez-en, on va dépasser un peu notre temps de réanimation. C'est juste un petit présent comme ça, là. Voilà. Time to Die de Satan. Du dernier album, Life Sentence. Excellent album. Oui, c'est ça. On se coudre. Sur ce, allez tous vous faire foutre. Go.